Chapitre 4e. Pérez regardait Jejiga pénétrer dans son bureau. Qu'est-ce qu'elle était jolie! Qu'était-elle venue faire dans la police? Pérez l'aurait bien vue tenant un salon de beauté ou une boutique de fringues de luxe. Avec ses cheveux de jais, ses yeux d'un noir velouté, sa peau pâle et sans défaut, elle tournait la tête de tous les mecs du central. Pour éviter la provoque, Jejiga s'habillait toujours en tenue, sauf pour les planques. Mais son visage et la courbe des vêtements témoignaient malgré tout de la beauté de l'ensemble. Pérez, qui l'avait vue en petite tenue, connaissait parfaitement ses trésors cachés. Elle aurait tellement aimé avoir une fille comme elle. Ça n'aurait guère été possible d'ailleurs, car Michelle Pérez était grande, ossue, musclée, bien faite dans l'ensemble, mais un poil masculine sur les bords. Ses cheveux longs, très blonds, et ses yeux bleu foncé apportaient un rien de féminité qui s'épanouissait dans ses sourires. Mais de toute façon, elle n'avait pu avoir d'enfant, alors autant penser à autre chose. « Ah, tu tombes bien, ma belle. Nous avons le rapport du légiste, regarde, » dit-elle en passant une liasse à Jejiga. Juste à ce moment, Volpi entra lui aussi dans le bureau. Inconsciemment, les deux femmes se levèrent. Le commissaire, d'un coup d'œil, comprit ce qu'allait faire Jejiga. Déjà, elle lui tendait la liasse. « Non, non, je vous en prie, continuez. J'ai déjà jeté un œil dessus. » Ça m'intéressait de savoir ce que vous en pensez. » Tout en feuilletant le rapport, le lieutenant releva à haute voix les points portants. La balle s'est arrêtée sur la tête de l'humérus. Le projectile est une ogive d'un calibre 7 mm à peu près. Qu'est-ce que c'est que ce calibre? Ça existe, ça? Ouais, pour les carabines de chasse, confirma Volpi. La balistique nous rencardera sur ce point. Elle a été tirée d'une assez grande distance, sinon elle ne se serait pas arrêtée sur l'humérus, dit le légiste. « Donc le tireur n'était pas sur la route, » fit remarquer Pérez. L'angle de tir est belle que le tireur était dans une position surplombant la victime. « Donc, du côté gauche du chemin, » reprit Volpi. « Or, par là, il n'y a que les villas ou le bois tout en haut de la pente. »« Moi, je reste persuadé que c'est un gars qui s'amuse à faire des cartons, et pour preuve, regardez la balle que m'a remise le veto. » Et d'une petite boîte en plastique, Jejiga fit rouler sur le bureau un projectile. Muni d'un gant et d'un double décimètre, Pérez se mit en devoir de mesurer grossièrement le diamètre de la balle. « Hé !» fit-elle songeuse, « ça pourrait correspondre. » Sans la toucher, Volpi observa la balle et acquiesça de la tête. Le chien aussi a dû être tiré de loin. Le veto m'a dit que de près, l'animal aurait la tête quasiment explosée. Au fait, vous ne m'avez pas dit où le kleps a été trouvé. Ben justement, sur le chemin des Saint-Pères, dans la cour d'une ferme. Pérez réfléchit. « La cour est ouverte sur la campagne ? » demanda-t-elle au lieutenant. « Oh oui, la vue porte à des centaines de mètres, c'est tout plat. Moi, je vous le dis, c'est un mec qui aime le tir, mais qui préfère faire des cartons sur des cibles vivantes, et si possible en mouvement. »« Mouais, » bougra Pérez, pas vraiment convaincu. Volpi passa un coup de fil à la municipale au cas où un événement intéressant leur aurait été signalé. « Non, rien, » répondit l'adjudant en permanence. « Ah si, commissaire, mais à mon avis, ça n'a pas de rapport. Un monsieur a signalé à une de nos patrouilles qu'un minot lui avait cassé un carreau. Où ? Dans une villa, sur la route de Galice. Il nous faut l'adresse exacte, on s'y rend sur le champ. Allez, mesdames, bouleguez, on a peut-être autre chose. » En 3 minutes, ils étaient sur les lieux. Le propriétaire de la villa fut étonné et vaguement inquiet à la vue des cartes de police. Puis il leur montra la vitre. « Vous permettez ?» demanda Volpi en l'écartant pour entrer. « Conduisez-nous à la pièce où donne cette fenêtre. » L'examen minutieux des murs, des meubles, du plafond commença. « Je n'ai rien remarqué, » avoua le proprio. « Je m'attendais à trouver au moins un caillou, une pierre, quelque chose. » Les trois flics ne répondaient pas et continuaient leur recherche. « Quelle heure était-il quand vous avez entendu le bris de glace ?»« 4 heures environ. Ma femme venait de partir pour aller chercher notre petite fille à l'école. » Tout à coup, Pérez s'exclama. « Ah, mais le voilà, votre caillou, drôle de caillou. Vous auriez un tournevis solide, et puis un escabeau, si possible. Attention, capitaine, pas l'accident du travail. » En possession des deux objets, elle se mit en devoir de farfouiller dans une des poutres du salon pour finalement en extraire un projectile. « Eh bien voilà, » fit-elle, toute fière, « c'est une balle. Difficile à voir dans ce bois presque noir. Désolé si j'ai un peu abîmé votre poutre. » En entendant cette affirmation, le propriétaire faillit s'évanouir. « Une balle ? Eh bien merde alors ! Si je comprends bien, en étant derrière la fenêtre, j'aurais pu y passer. » « Logique. Vous ou quelqu'un de la maison ?» dit Jejiga. Pérez lui lança un œil noir qui signifiait « Tu pourrais pas la fermer ?» Chez l'homme, la peur et la surprise firent vite place à la colère. « Mais vous vous rendez compte ? On n'est plus en sécurité ici. Dans quel monde on vit ? Qu'est-ce que vous allez faire ? Il faut faire quelque chose. Moi, je vais porter plainte. » « Bonne résolution, » répondit Bolpi. L'homme, d'un âge certain, avait l'air d'avoir occupé une position importante. Le sentant intelligent, Bolpi se crut obligé de lui donner quelques explications sur l'affaire. Bien évidemment, il essaya de minimiser au maximum l'importance du danger. Il insista sur le fait qu'il s'agissait d'une balle perdue, mais l'homme n'était pas complètement idiot et il comprit parfaitement les risques qui planaient désormais sur les habitants du coin. « Monsieur, » dit Bolpi d'un ton grave, « je vous demande instamment de garder ces informations pour vous. Même si vous êtes très amis avec vos voisins, ne leur dites rien. Ça risquerait de créer une psychose phénoménale dans le quartier et ça n'y changerait rien. » Pérez lui donna leur numéro de téléphone en lui demandant de les prévenir si un nouvel incident survenait. De retour dans la voiture, les deux femmes étaient excitées comme des poux, mais n'osaient pas le montrer devant leur patron. Il leur tardait d'avoir le rapport d'analyse de la balle, car une intuition toute féminine leur disait qu'elle était du même type que les deux autres déjà au labo. Il leur faudrait ratisser tout le quartier patron à la recherche de témoignages sur un éventuel tireur isolé. Bolpi, quant à lui, restait silencieux. D'habitude, avec Gargon ou Michaud, il était assez volubile, laissant libre cours à ses humeurs, mettant en boîte ses coéquipiers à la moindre occasion. Mais là, avec ces deux femmes, il ressentait moins d'empathie et pressentait que toute remarque serait de toute façon comprise de travers. Une fois au central, Pérez s'assit derrière son bureau et attendit nerveusement la venue du patron qui avait prévu un débriefing. Bolpi, grand, mince, l'impressionnait fortement, avec ses tempes grisonnantes et son physique à la Delon. Elle en était follement et secrètement amoureuse, mais il était marié, et de plus, son épouse était une des plus belles femmes d'Aix. Alors, elle, bien sûr. Après un petit coup léger frappé à la porte, le patron pénétra dans le bureau sans faire de bruit. Il s'assit en face de Pérez, après l'avoir empêché de se lever, croisa négligemment les jambes et défroissa le pli de son pantalon. « Je viens de recevoir un appel du procureur. Il faut qu'on fasse le point complet sur l'affaire Anzilouti. J'ai peur d'avoir raté des étapes et ça commence à faire du bruit. »« Je vais vous rendre compte de ce que vous n'avez pas vu. Oui, mais mettez-moi au courant sans fioriture. » Pérez lui fit part des éléments de l'affaire, complétés par de petites interventions de Jejiga. « Bon, » finit par dire Bolpi, « pas un mot à la presse, surtout en ce qui concerne le chien et la balle dans le plafond. » « Nous sommes bien d'accord avec le proc. Il vaut mieux passer pour des bons à rien que d'affoler toute la contrée. Je vais faire activer le rapport de la balistique. Vous avez une carte, Pérez ?»« Non. »« Eh bien, qu'est-ce que vous attendez? Trouvez-en une, sur Internet, par exemple. Vous êtes une grande fille maintenant, je ne vais pas vous apprendre votre métier. Si les balles proviennent de la même arme, nous devrions pouvoir identifier le trajet du tireur. » Et voilà. À chaque fois, c'était la même chose. Elle se laissait déstabiliser sans répondre. Alors qu'elle y avait pensé à cette carte. Il s'en voulait d'autant plus que Bolpi ne lui faisait pas ses remarques dans l'intention de l'humilier. Elle le savait, mais simplement pour faire avancer l'enquête. « Allez, » finit-il par dire d'un ton paternel, « je vais vous donner un coup de main. » Cette répartie eut pour effet de faire fondre Pérez et il s'en trouva d'autant plus ridicule. « Et puis vous avez une équipière de choix, » ajouta Bolpi en regardant enfin Jejiga avec un sourire. Avant de partir, Bolpi se permit une dernière remarque. « Ah, et puis vous devriez aérer, Pérez. Ça sent le fauve ici. Je vous rappelle que la cigarette est interdite dans les locaux. »« Allez, bon, » se dit Pérez, « une dernière pour la route. » Une fois le commissaire sorti, Jejiga se laissa tomber sur une chaise. « Ce mec me fait l'effet d'un coup d'aspirateur dans la cervelle. C'est fou, non ?»« T'inquiète, moi aussi, je suis à cran quand il me parle, mais il a du charme, et il n'a pas trop pris la grosse tête comme beaucoup. » « Bon, mais il a raison, capitaine, il faut qu'on s'affole un peu. Depuis la mort du cycliste, on ne tient pas en place, tu le sais bien. » Jejiga s'assit en face de Pérez et lui proposa de récapituler la chronologie des événements en partant de l'hypothèse que les coups de fusil avaient été tirés par la même personne. Elle sortit son calepin. Alors, 16h à peu près, la balle dans la poutre en bordure de la D64. 17h, la mort du cycliste. Entre les deux, le carton sur la tête du chien. Avec les trajectoires et les distances, on pourra suivre le chemin du tueur. réfléchit Pérez. « Ouais, mais ça ne nous dira pas qui il est. Et pourquoi il ? Ça peut être une femme, va savoir. Avec un fusil. Je dis fusil parce que tu ne me feras pas croire qu'on peut faire de tels cartons à 100 mètres de distance avec un flingue. C'est vrai. Même toi, tu n'y arriverais pas. Et pourtant, c'est toi qui tires le mieux de nous tous. » Vers 14 heures, un gardien leur amena le rapport de la balistique. Visiblement, Volpi avait dû souffler dans les tuyaux. Le rapport établissait que les 3 balles avaient été tirées avec la même arme. L'arme utilisée devait probablement être une carabine de chasse de calibre 7,64, munie d'une lunette de visée. En tout cas, une arme pouvant porter et être efficace à plus de 100 mètres avec un bon tireur. Bon, eh ben, il ne reste plus qu'à fouiller la France entière pour trouver toutes les carabines qui correspondent à ses caractéristiques. Se désola J. Giga. Toute la France, non, mais au moins la région. Envoie-moi déjà les enquêteurs chez les armuriers du coin. Voir si récemment ils ont vendu des munitions pour des carabines 7,64 ou mieux, s'ils ont vendu une telle arme. Puis les deux femmes se penchèrent sur la carte au 50 000e, enfin dégotée. Pour la vitre brisée, le projectile pouvait provenir d'un petit bosquet situé au sud, de l'autre côté du chemin des Saints-Pères. À moins qu'on acceptât l'hypothèse que le tireur avait opéré à découvert, au beau milieu d'un champ, il avait ensuite dû se déplacer, peut-être à pied, pourquoi pas, pour venir à la hauteur de l'exploitation agricole où était mort le chien. Cette fois, vu l'orientation de la cour de ferme, il devait se trouver sur la droite du chemin du côté nord. Là aussi, il y avait une haie assez fournie qui pouvait servir d'écran. Enfin, il avait continué le chemin vers la route des milles en direction du sud-ouest pour tuer Anzilotti. Le timing permettait de supposer que là encore, il avait pu s'y rendre à pied. Il était certain que le projectile provenait du bois surplombant la route. S'il avait été tiré d'une des maisons plus proches, il aurait traversé le corps d'Anzelotti. Le tueur avait donc dû emprunter le chemin goudronné pendant quelque temps, avec un fusil en bandoulière ou sous le bras, peut-être dans un étui. En effet, une carabine de chasse ne se dissimule pas si aisément, à moins qu'on la cache sous un imper. Certes, le chemin n'est pas très passant, mais pourquoi ne pas supposer que quelqu'un en voiture l'aurait croisé ou dépassé ? Un appel à témoins s'imposait rapidement. Passionné par sa recherche, Pérez alluma machinalement une gauloise blonde que J. Giga lui chipa pour aller l'écraser sur le rebord de la fenêtre. « Tu es cintré ou quoi, Michel ? Si le boss arrive maintenant, il te coupe la tête. »« Vous me faites tous chier, » s'énerva Pérez. « Ouais, ben t'as qu'à t'arrêter de fumer. »« Bon, reviens ici, l'écolo, on n'a pas terminé, il y a quelque chose qui cloche là-dedans. »« Attends, je me refais le film. » Tout à coup, Pérez refila un grand coup de coude à J. Giga. « Ça y est, je sais. C'est bien joli notre scénario, mais s'il était à pied, ça signifie qu'il aurait calculé le temps exactement nécessaire pour attraper Anzilotti au bon moment. Avec le timing que nous avons, s'il était à pied, il se pointe, il tire, il repart, il tire, et ainsi de suite, pour arriver pile poil dans le bois quand Anzilotti passe à vélo. Il n'a pas le temps de flâner. Ce gars est non seulement un excellent tireur, mais aussi un horloger suisse. » Je ne vois pas pourquoi ce ne serait pas possible. Le type se balade, le nez au vent, et de temps en temps, il fait un carton. Anzilotti est arrivé au mauvais moment, c'est tout. Les actes des fous n'ont pas de logique, ma grande. Pérez se tortilla de la croupe et tira sur son jean pour remettre sa culotte en position. Elle se recoiffa selon sa méthode habituelle d'un grand coup de nuque qui lui éclaircit les idées. Ouais, mais si c'est un assassinat, s'il y a préméditation, ça suppose d'autre chose. Il faut raisonner autrement. « Boulègue un peu tes méninges. » Les deux femmes se turent pendant un moment, perdues dans leurs réflexions. Pérez, n'y tenant plus, baissa son jean pour repositionner sa culotte. « Si Volpi se pointe maintenant, tu fais un carton, ma belle. »« Si c'est prémédité, » dit enfin Pérez, il s'est mis en planque dans le bois pour attendre Anzilotti. Donc, il savait que l'Italien allait passer par là. Il le connaît. « Bien évidemment, grosse pomme. Il l'a guetté quand il est parti de chez lui et il connaît son itinéraire habituel. » Ou alors il l'a suivi. Non, les 2 tirs précédents contredisent ta théorie. Il aurait doublé sa victime ou pris un autre chemin pour venir tirer des coups de fusil et se mettre en planque. Ça ne tient pas debout. En tout cas, on quitte l'hypothèse du trajet à pied maintenant. Sûr. De nouveau, Volpi fit soudainement irruption dans le bureau, sans crier gare, selon sa méthode habituelle. Derrière son dos, J. Giga fit le geste de tirer sur une cigarette. Puis menaça Pérez du doigt, signifiant ainsi, tu vois. Tu me dois une fière chandelle. Ah, enfin, vous avez une carte. Vous avez eu le rapport de la balistique, je présume. Alors, où en êtes-vous ? Le capitaine lui exposa rapidement le cheminement de la réflexion en fonction des deux hypothèses principales, un fou ou un assassin au plan mûrement établi. Dans ce dernier cas, le doute persistait sur le mode de déplacement et deux coups de fusil étaient en trop. Volpi se pencha sur la carte et réfléchit. Il demanda à Jejiga de lui redonner une version du topo, puis au bout d'un moment il finit par dire « J'ai peut-être une explication, qui n'est pas meilleure que les vôtres d'ailleurs ».